إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc alhamdoulillah, aujourd'hui on va commencer le cours numéro 2 dans l'explication de la risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Tawhid al-Ibadah. Tawhid al-Ibadah avec le sharh du Cheikh Bazmoul, Mohammed Bazmoul, Hafizahullah, qui est un des professeurs à l'université de Umul Qura à Mecca. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit... يقول المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. C'est-à-dire que l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله il dit sache que Allah te fasse miséricorde que le tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son serviteur avant de lui avoir ordonné la salat et la zakat et le jeûne, la salat et le jeûne, c'est d'établir le tawhid, c'est que tu établisses le tawhid dans ton adoration à toi. C'est que tu établisses ton adoration sur le tawhid. Ça, c'est la première obligation que Allah subhanahu wa ta'ala a établie sur le serviteur. Le Cheikh il dit, Cheikh Bazmoul, il dit توحيد العبادة فرضه الله قبل فرض الشرائع. فإن أول أمر مكث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأول واجب على العبد الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى وحده المقصود بالعبادة دون سواه. جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc le Cheikh il commence à expliquer que le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné au serviteur avant toute autre chose parmi les règles de l'islam, toute autre adoration dans l'islam. La première chose qui a été ordonnée, c'est le tawhid. Et la première chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité les hommes à faire ou à dire, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ça c'est kalimatu shahada, yani c'est-à-dire shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc la première obligation pour le serviteur, c'est de reconnaître ça, c'est de reconnaître que ce que tu dois prendre comme objet dans ton adoration, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu dois rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et il a été rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma, le fils de Omar ibn al-Khattab, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, et lorsqu'ils auront fait ça, ils seront protégés contre moi dans leur bien, dans leur sang et dans leur bien. excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala pour le reste. Donc ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Umirtu an uqatil an-nas, on m'a ordonné de combattre les hommes. Et qui est-ce qui lui a ordonné de combattre les hommes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas décidé de faire ça de lui-même. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé et lui a commandé de faire. Donc c'est un ordre divin de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de combattre les hommes. Et de combattre les hommes pourquoi? Pour quel objectif? Pour qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils affirment et qu'ils disent et qu'ils croient que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils rejettent tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui ordonne de combattre les hommes pour ce but-là et pour cet objectif-là. Pas pour d'autres choses de la dunya. Uniquement pour cet objectif-là. Pour qu'il n'y ait rien qui soit adoré excepté le créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et une fois qu'ils auront fait ça, ils seront protégés contre moi dans leur sein et dans leur bien. Donc, parfois, certaines personnes, quand ils entendent ce hadith, ils se demandent, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un, il n'a pas dit la ilaha illallah, et qu'il n'a pas dit Muhammad Rasulullah, et qu'il n'a pas établi la salat, et qu'il n'a pas donné la zakat, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que son sein et ses biens sont halal? Et donc, il y en a qui en viennent à la conclusion que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a le droit de tuer toute personne qui ne dit pas la ilaha illallah, et qui ne dit pas Muhammad Rasulullah, et qui n'a pas établi la salat, et qui n'a pas donné la zakat. Et donc, ils ont l'idée par la suite que dans l'islam, on a le droit de tuer tous les koufars et tous les mouchriquines qui sont dans la rue. Et c'est à partir de ça, parfois, qu'ils ont l'idée que ils pensent que c'est permis de faire des actes terroristes ou de tuer ou de détruire les biens des gens qui ne sont pas musulmans. Et bien entendu, ce n'est pas ça ce que ça signifie, puisque le hadith en question, il explique clairement que c'est dans des situations ou dans des cas de guerre, dans des cas de djihad, et non pas dans les cas où il y a des ententes de paix entre les musulmans et les non-musulmans. Donc il faut comprendre que parmi les Kuffar, ça c'est un point que je rajoute que j'ajoute pour clarifier, parce que des fois il y a des gens qui ont des ambiguïtés à ce sujet-là. Il faut comprendre que parmi les kuffars, il y a des catégories de kuffars. Il y a ce qu'on appelle al-musta'man, al-musta'manun, ceux qui rentrent dans les pays musulmans et qui vont pour faire un commerce ou pour travailler ou comme diplomate ou comme autre chose, comme touriste ou autre, et ils rentrent dans les pays musulmans avec un visa et ils ont donc la protection des musulmans. Et dans ce cas-là, il est interdit pour les musulmans de leur toucher ou de leur faire un mal quelconque. Et également, il y a al-mu'ahad. Al-mu'ahad, c'est le mushrik ou le kafir. Entre son pays et notre pays, il y a une entente de paix officielle entre leurs deux gouvernements. Et donc, dans ces cas-là, il est interdit pour le musulman de lui faire un mal quelconque, dans sa personne ou dans ses biens. Et les musulmans doivent respecter ça. Et il y a également Ahlul Zimma, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les pays musulmans et qui sont soumis aux règles de l'islam et qui payent la jizya. Ça, c'est cette catégorie de koufars qu'on appelle Ahlul Zimma. Et eux aussi, il est interdit de les atteindre ou de leur faire un mal quelconque dans leur personne ou dans leurs biens. Et la même chose également pour les musulmans qui viennent chez les koufars et qui ont signé qu'ils allaient pas détruire ou tuer ou faire des choses qui sont contraires à l'islam dans ces pays-là et qu'ils respectent le bien des autres. Donc ils ont un visa pour rentrer, ils doivent eux aussi respecter la vie et les biens et le sang des mouchriquines et des koufars dans ces situations-là. D'accord? Ceux qui sont concernés par le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple dans le hadith, quand il dit asamu minni dima'ahum wa amwalahum, ils ont été protégés contre moi dans leur sang et dans leur bien, celui qui n'est pas protégé dans son sang et dans son bien, ce sont la catégorie des koufars qu'on appelle al-harbiyoun, c'est-à-dire ceux entre leur pays et le pays musulman en question, il y a une déclaration officielle de guerre, une déclaration officielle et ouverte de guerre. C'est pas une guerre sous-entendue ou une, comme certains qui s'imaginent, bon ça y est, c'est une déclaration de guerre, eux ils déclarent eux-mêmes la guerre. Non, c'est le gouvernement qui a officiellement déclaré cette guerre, et cette guerre elle est effective et il y a une armée qui combat contre l'autre. Ça, dans ce cas-là, c'est un état de guerre, et dans ce cas-là, on appelle les koufars qui font partie de cet état ou de ce pays-là des harbiyoun. Et encore là, c'est pas n'importe quel d'entre eux que les musulmans ont droit de combattre ou de tuer, c'est uniquement ceux qui sont les combattants parmi ces koufars-là, et non pas les femmes, et non pas les enfants, et non pas les vieillards, ces catégories-là. Donc il faut bien comprendre le hadith dans son sens et qu'est-ce qu'il implique. Ça ne veut pas dire qu'est-ce que ces gens-là aujourd'hui, parmi les khawarij de notre époque, sont en train de faire au nom de l'islam lorsqu'ils tuent le sang des innocents parmi les musulmans et parmi les kuffars aussi. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui tue un mu'ahad, man qatala mu'ahadan, لم يرح رائحة الجنة, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui parmi les musulmans qui tue un mushrik ou un kafir qui est sous une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Hein? Donc ça c'est une menace très sévère de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et je trouvais que c'était important de le mentionner pour éviter les ambiguïtés et les mauvaises ou les fausses compréhensions de la part de certains musulmans et puis de la part aussi de certains koufars parfois qui essaient de déformer la réalité de l'islam pour faire paraître les musulmans comme des gens qui défendent ou qui prônent le terrorisme ou des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il dit wa qala li ammihi Abi Talib ya am qul la ilaha illallah ujadilu biha anka yawm al-qiyamah fa qala Abu Jahl وكان حاضرا أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك فمات على الشرك ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فالتوحيد طولب به الناس قبل أن تفرض الصلاة وقبل أن تفرض الزكاة وقبل أن يفرض الحج بل كان هو الموضوع الأصلي الذي كان الكلام فيه خلال 10 سنوات من زمن البعثة النبوية وكان يدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه وهذا معنى قول المصنف يرحمه الله اعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle Abu Talib, à son oncle Abu Talib, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est-à-dire dis que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, rejette ce que tu adores en dehors d'Allah, rejette les idoles et accepte que tu n'adores que Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu dis cette parole, je vais argumenter pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et Abu Jahl, une des têtes des mushrikines à l'époque, parmi la tribu parmi les gens de Quraysh, il était présent et il essayait de dissuader Abu Talib d'accepter l'islam. Et il disait à Abu Talib, alors qu'il était sur son lit de mort, est-ce que tu vas abandonner ce que tes ancêtres suivaient comme religion? Est-ce que tu vas abandonner la religion de Abdul Muttalib? Alors il est mort. Abu Talib est mort sur le shirk, il est mort mushrik, il n'a pas accepté l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à ce sujet-là le verset 56 dans sourate Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et c'est lui qui est le plus connaissant de celui qui est bien guidé. Et à ce sujet-là, les ulama de tafsir, ils sont tous d'accord sur le fait que ce verset-là a été révélé à propos de Abu Talib, d'accord, et ça a été rapporté donc l'ijma à ce sujet-là par les ulama de tafsir. Et les ulama de tafsir ont également expliqué que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, on peut comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala man ahbabt, celui que tu aimes, de deux façons. La première façon c'est معناه الشيخ il dit يكون من أحببت قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين أحدهما معناه من أحببت لقرابته والثاني من أحببت أن يهتدي. C'est-à-dire on peut le prendre de deux sens ou dans deux sens. Le premier sens, tu ne peux pas guider celui que tu aimes parmi tes proches, et donc dans ce cas-là c'est un amour, mais un amour naturel, parce qu'on sait que le mu'min il ne peut pas aimer le mushrik, il n'a pas le droit d'aimer un mushrik, hein. Un mu'min, un musulman ne peut pas aimer un mushrik. Donc, il y en a parmi les gens qui aujourd'hui n'ont pas compris l'islam comme il faut, ils essaient d'utiliser ce verset-là pour essayer de justifier le fait d'aimer les mushrikin. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Et Abu Talib était un mushrik. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait un mushrik? Et donc, les ulama ont expliqué que ça, c'est parce que c'est un amour naturel. Et ça n'a aucun rapport avec l'adoration, ça n'a aucun rapport avec la religion. C'est un amour naturel seulement. Ou bien, une autre signification de ce verset-là, c'est « Man ahbabta an yahtadi », c'est-à-dire que tu aimerais qu'il soit guidé. Hein? Ça, c'est une autre signification. Ensuite, le cheikh dit donc, le tawhid, qui a été ordonné de la part des, qui a été commandé aux hommes, avant toute autre chose, avant même l'obligation de la salat, avant l'obligation de la zakat, avant l'obligation du hajj, hein, et donc ça c'est le tawhid, c'est la base de l'islam. Et c'était le sujet fondamental et principal, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné pendant les 10 premières années, hein, depuis le moment où il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme un prophète, comme un messager, hein, jusqu'à ce qu'il fasse la hijra, et même après la hijra, hein, il a continué encore à enseigner ce principe-là. Il appelait les hommes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, en dehors de toute chose, et c'est ce que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, essaie de faire comprendre ici, lorsqu'il dit « Sache que Allah te fasse miséricorde, que le tawhid, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son serviteur, avant de lui avoir ordonné la salat et le jeûne, c'est le tawhid dans ton adoration à toi. » D'établir ton tawhid dans ton adoration. Après le cheikh, il dit « فَمَوْضُعُ الْإِصْلَاحِ الْأَوَّلْ وَالْأَسَاسِ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَتَوْحِيدُهُ وهذه هي دعوة الأنبياء إذ كل نبي أرسله الله إلى قومه بهذا الموضوع. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا نوح عليه السلام يقول تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc le cheikh Cheikh Bazmoul rahimahullah wa hafizahullah, il dit que le sujet de la réforme des messagers, la première et la base, ça a toujours été l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que son unification, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et d'établir son tawhid. Et c'est la da'wa, c'est l'appel de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers que Allah a envoyés à son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de commencer et de débuter sa da'wa par cet appel. Hein, l'appel au tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc dans le verset 36 dans sourate An-Nahl, donc le cheikh il mentionne différents versets qui montrent que la première chose à laquelle les messagers d'Allah ont appelé, c'est le tawhid. Et il mentionne ce verset-là en premier, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir dans chaque nation, dans chaque peuple, un messager pour leur dire, adorez Allah seul et écartez-vous du tawhid. Comme on a expliqué hier que le tawhid, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il y a parmi eux, hein, il y a parmi eux, parmi les hommes, celui que Allah a guidé, et il y en a d'autres qui ont été méritants de l'égarement. C'est-à-dire, il y en a d'autres pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné l'égarement. Alors, partez sur la terre et regardez quelle a été la conclusion des gens qui ont traité de mensonges. Et il donne l'exemple de Nuh alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à son peuple, il mentionne dans Surat Al-A'raf, le verset 59, nous avons envoyé Noé à son peuple, Nuh, et il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien que vous pouvez adorer en dehors de lui. Je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Et la même chose pour Hud, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit à son peuple, Ad, hein, lorsque Hud vient à son peuple, hein, ses frères, il a akhahum, Huda, donc lorsque Hud est venu à Ad, il a dit, oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien à adorer en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas. Et lorsque Salih est venu à son peuple, la même chose. Lorsque Salih est venu à Thamoud, il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien que vous pouvez adorer en dehors de lui. Vous n'avez rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Et je vous viens avec une preuve de votre Seigneur, une évidence de votre Seigneur. Et il lui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour eux cette chamelle, qui est un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils doivent la laisser manger sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne doivent pas la toucher, et que c'est une épreuve pour eux, sinon un châtiment douloureux allait les toucher. Ça c'est le verset 74 dans sourate Al-A'raf. Et dans la sourate Al-A'raf, le verset 85, Shu'aib est envoyé à son peuple Madian, et il leur dit la même chose, adorez Allah, vous n'avez rien à adorer en dehors de lui. Vous n'avez aucune divinité à part lui. Et la preuve claire vous est venue de la part de votre Seigneur. Alors respectez le poids et la mesure et ne brimez pas les gens dans leur bien. Et ne faites pas le désordre sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et cela est meilleur pour vous si vous êtes croyant. Et la même chose pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-Ankabut, le verset 16, et Ibrahim, lorsqu'il dit à son peuple, adorez Allah et craignez-le, cela est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Le shaykh, il dit ensuite, وَهَذَا مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la même chose que tous les autres messagers avant lui. Lorsqu'il a commencé sa da'wa et qu'il a appelé les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, lorsqu'il a appelé les hommes, il les a appelés au tawhid. Et l'exemple de le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen, on voit clairement qu'il lui indique hein, ce principe-là. Et c'est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal vers les gens du Yémen, il leur a dit, tu t'en vas vers des gens du livre, hein, vers des juifs, vers des chrétiens, que la première chose à laquelle tu les invites soit qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils établissent le tawhid d'Allah. Lorsqu'ils ont reconnu cela, alors informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné 5 prières qu'ils doivent établir durant le jour et la nuit. Et lorsqu'ils ont établi la salat, alors informe-leur par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné une zakat qu'ils doivent donner de leurs biens qui est pris des riches pour être distribué ou donné aux pauvres. Et lorsqu'ils ont reconnu cela, alors prends leurs biens hein, qu'ils donnent en zakat, mais prends garde de toucher à qu'est-ce qui est le meilleur de leurs biens, c'est-à-dire ceux qui récoltent la zakat, ils ne doivent pas prendre le meilleur de ce que les gens ont comme bien, mais ils ne doivent pas non plus prendre le pire de ce qui est de ce qu'ils possèdent. Ils doivent prendre qu'est-ce qui est entre les deux, hein, qu'est-ce qui est la moyenne ou qu'est-ce qui est entre les deux, et non pas le mieux, le meilleur. Sinon, bien entendu, dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَاب. Donc, crée l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh dit وَهَذَا هُوَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لَهُ قَالَ تَعَالَى مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le cheikh il dit c'est pour cette raison là que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Il n'a pas créé les hommes pour autre chose que ça. Il a créé les hommes pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et pour qu'ils établissent le tawhid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56 dans sourate Az-Zariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça signifie que pour qu'ils établissent le tawhid. C'est ça la réalité. Parce que l'adoration, c'est le tawhid. Et ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'adoration dans le Coran, il parle en même temps, c'est un synonyme de tawhid. Hein? Donc, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient dans leur adoration. Ensuite, le shaykh, il dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِصْلَاحِ ويجعلون دعوتهم الإصلاحية في القضايا السياسية أو في القضايا الاقتصادية أو توزيع الثروة أو نحو ذلك فهؤلاء عملوا عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد عليهم فمن أراد الإصلاح ولم يجعل هذا هو موضوعه ومقصده فقد خالف منهج الأنبياء وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة فانظروا في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه في هذه الأيام تجده مخالفا لهذا الضابط أشد المخالفة فتوزيع الثروة هجيراه ليل نهار ومنازعة الأمر أهله ديدانه فلا شأن له مع هذا الضابط أصلا إلا من باب ذر الرماد على العيون كما يقولون. Donc le cheikh il dit que aujourd'hui il y a des gens qui appellent à la réforme puis à la correction de qu'est-ce qui est incorrect dans la société, de l'injustice ou d'autres choses de ce genre, et ils font que leur appel à la réforme et leur appel à la correction de ces fautes se limite uniquement aux questions politiques ou se limite uniquement aux questions économiques et à la redistribution des richesses, et ils ne parlent que de ce sujet-là et de ces questions-là, et il laisse de côté ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi comme invitation et comme da'wah. Et donc, ils ne suivent pas la méthodologie des prophètes pour faire la réforme. Et donc, cette action qu'ils font est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne sera pas acceptée. Celui qui veut vraiment la réforme et qui n'a pas établi le sujet de cette réforme et l'objet de cette réforme, le tawhid, alors il a contredit le manhaj des prophètes. Et il a abandonné la réelle réforme qui est établie par la sharia selon Ahl al-Sunnah wal Jama'a, selon les gens qui suivent la sunna et qui sont unis sur la vérité. Et regardez ceux qui aujourd'hui prétendent faire la réforme et prétendent appeler à la réforme et qui se donnent même parfois ce nom-là. Hein, il y a certains groupes, certains individus parfois qui appartiennent à certains groupes et ils se donnent comme nom par exemple hein, Al-Islah, par exemple Hizbul Islah, hein, le parti de la réforme et des choses de ce genre, et pourtant la seule chose dont ils parlent c'est uniquement la redistribution des richesses et le fait de contredire ou d'opposer les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, et d'essayer de les remplacer par d'autres ou de prendre leur place en disant que, ou en prétendant que si eux prennent le pouvoir, ils vont être plus justes et meilleurs que les dirigeants qui sont là déjà en place. Et donc, ils ne parlent que de ce sujet-là. Et ils n'ont aucun autre intérêt que ce sujet-là. Hein? Et juste un exemple, hein, pour vous montrer à quel point cette méthode et ce manhaj, cette méthodologie qu'ils suivent est en opposition totale avec le manhaj des prophètes et des messagers. C'est le meilleur exemple de ça, hein, et ça je rajoute comme exemple, comme explication par rapport à ce que dit le cheikh en ce moment, c'est l'exemple de Moussa alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à Pharaon. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à Pharaon pour dire à Pharaon, donne-moi le pouvoir, moi je suis le messager d'Allah, je vais juger avec la justice, laisse-moi, je vais être le pharaon à ta place. Hein? Il n'a pas dit ça. Il lui a dit, crois en ton Seigneur et soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne lui a pas appelé, il n'est pas venu pour dire à Pharaon, ok, laisse le trône, laisse le pouvoir, c'est moi qui va prendre ta place maintenant, c'est moi qui va être le dirigeant ou le pharaon. Non, la da'wah des messagers, c'est pas de dire je veux le pouvoir et enlève-toi, c'est moi qui va juger et c'est moi qui va diriger. Non, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé à Quraysh, est-ce que la chose qu'il a demandé à Quraysh en premier, c'est laissez-moi le pouvoir, moi je vais diriger, c'est moi qui va être le chef, le président ou le amir, et vous allez m'obéir? Non, il les a appelés à la ilaha illallah en premier, et tous les messagers d'Allah c'était comme ça, hein? Même quand Ibrahim alayhi salam, il est allé à Nimrod pour l'appeler, hein, pour lui parler, est-ce qu'il lui a dit donne-moi le pouvoir, c'est moi qui va diriger, je suis un messager d'Allah, j'ai des révélations divines et donc je juge avec la vérité et la justice? Non, il lui a donné les preuves, hein, de l'existence d'Allah et les preuves que c'est Allah seul qui doit être adoré. Et il lui a montré des exemples, hein, avec le yani quand il lui a dit Allah c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, il a dit moi aussi je suis capable. Il a laissé un vivant, il a tué l'autre. Après il lui a dit c'est Allah qui fait lever le soleil de l'est, alors fais le lever de l'ouest si tu peux. Et là il a vu qu'il n'était pas capable parce que c'est seul Allah qui peut faire ça. Et donc il a établi contre lui la preuve, mais lui a pas parlé du pouvoir ou des choses de ce genre, d'accord. Donc la da'wah des prophètes c'est basé sur l'appel au tawhid et l'appel à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas la question de dire, hein, de vouloir le pouvoir ou de vouloir prendre le pouvoir, hein. Et malheureusement beaucoup de groupes aujourd'hui qui suivent la tendance des khawarij, ils n'ont pas compris ça. Leur seul intérêt, leur seule préoccupation, c'est d'appeler les gens à des choses politiques et à des choses économiques, et ça c'est en opposition avec la da'wah des messagers, totalement en opposition avec la da'wah des messagers, hein? Et ça demande un peu d'études et de réflexion pour le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement été influencés par des idéologies contraires à l'islam de la part de certains individus, de la part de certains groupes, qui se sont concentrés uniquement là-dessus depuis des dizaines et des centaines d'années, qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose pour certains que c'est la seule chose qui compte en islam pour eux, dans leur esprit. Et donc ça prend un nettoyage, hein, comme on dit, un reformatage, hein, de tout ce que certains musulmans ont compris ou appris de la religion pour remettre tous les comptes à zéro pour que, inshallah, notre compréhension de l'islam soit établie sur une compréhension qui est basée sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-salih, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Et pour se nettoyer de ces idéologies qui sont propagées aujourd'hui. Donc, il faut établir le tawhid. Ceux qui parlent de ces sujets politiques ou autres aujourd'hui, hein, ils ne parlent jamais de tawhid. Vous n'allez pas trouver de ces, dans leur mosquée ou dans leur centre, dans leurs activités, vous n'allez jamais trouver des cours sur le tawhid et des enseignements sur le tawhid, des clarifications sur le tawhid. Ils n'en parlent jamais. Jamais. Et s'ils en parlent, c'est juste pour jeter de la poudre aux yeux, comme ça. Le mot tawhid, ils vont le mentionner, mais ils ne vont pas l'expliquer comme il faut en détail. Hein? Et donc ça, c'est comment on peut reconnaître ces gens-là. Après, le cheikh, il dit, « فَالْمُطَالَبَةُ بِالْتَوْحِيدِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَكَذَا كُلُّ دَاعٍ يَدْعُ النَّاسَ يَبْدَأ أَوَّلَ مَا يَبْدَأ وَيَهْتَمَّ أَكْثَرَ مَا يَهْتَمَّ بِمَوْضُوعِ التَّوْحِيدِ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ وقول المصنف يرحمه الله عبادتك أنت أو عبادتك أنت يعني أن تقصد بعمل من الأعمال إلا وجه الله أن لا تقصد بعمل من الأعمال إلا وجه الله فهذا أول ما يبدأ به أن تعلم الناس أنهم لا بد أن يخلصوا لله وحده العبادة دون سواه. Donc, il faut commencer, avant toute chose, dans toute chose, il faut commencer avec le tawhid. Et donc, celui qui commence sa da'wah, il doit commencer par ça. Et mettre l'importance dans sa da'wah sur le tawhid avant toute autre chose. Hein? L'unicité d'Allah dans son adoration. Et c'est ça que l'auteur dit, lorsqu'il dit, tu dois purifier ton adoration et faire en sorte que ton adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, que tu dois faire en sorte que dans toutes tes actions, dans toutes tes paroles, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ta vie entière doit être uniquement pour Allah. Tout ce que tu fais dans ta vie doit être uniquement, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Donc le shaykh il dit, alors, on doit commencer par cette voie-là et enseigner aux gens, enseigner aux musulmans, enseigner aux non-musulmans aussi, cet ordre-là, de purifier tout ce qu'on fait pour Allah seul, notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour lui. « Wa qawluhu ibadatuka ant ma'loumun anna al-ibada laysat min ikhtira' al-abd innama yattabi'u fiha ma ja'a ما جاء به الشرع وعليه فإن هذه الجملة من كلام المصنف يرحمه الله تتضمن الإشارة إلى الشرطين اللذين لا يقبل العمل بدونهما الشرط الأول أن لا تعبد إلا الله والشرط الثاني أن تعبد الله بما شرع. Donc le cheikh il explique que quand l'auteur dit que tu fasses que ton adoration à toi soit sur le tawhid, on sait très bien que l'adoration, ce n'est pas le serviteur qui doit l'inventer lui-même. Quand on parle d'adoration et de se rapprocher à Allah, ce n'est pas nous-mêmes qui définissons ou qui choisissons par nous-mêmes qu'est-ce que signifie cette adoration-là. On ne peut pas adorer Allah selon notre imagination ou selon nos désirs, hein, ou selon nos goûts, comme certains, par exemple, parfois parmi les musulmans qui disent « Moi, je suis musulman à ma façon. Hein? » Allahu al-musta'an. Non, le musulman, il doit être musulman comme à la façon que Allah veut qu'il soit musulman. Hein? Moi, je suis musulman. Il y en a qui disent ça. Parmi les musulmans, parfois, tu leur parles, tu dis « est-ce que tu pries, est-ce que tu es musulman ?» Ils disent « Non, moi, je suis musulman à ma façon. » Comment à ta façon ? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne d'être musulman comme lui veut que tu sois musulman. Tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme lui veut que tu te soumettes à lui. Sinon, où est-ce qu'elle est la soumission? Tu te soumets pas à Allah, tu te soumets à ta passion. Et donc, tu n'es pas vraiment soumis dans ce cas-là. Donc, le cheikh, il dit, ça indique, cette parole de l'auteur indique un point très important. C'est que lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que cette adoration-là soit en accord avec ce qui est rapporté dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle doit être basée sur cette révélation-là. C'est-à-dire que toute chose que tu fais comme adoration pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu aies une preuve pour établir que cette chose-là, Allah l'a aimée et l'a agréée, et que ça fait partie de l'adoration. Sinon, ça ne fait pas partie de l'adoration, et ça fait partie de ce qu'on appelle al-bid'ah, les innovations. Hein? Donc si tu fais quelque chose pour te rapprocher de ton créateur, pour te rapprocher d'Allah, t'as pas de dalil, t'as pas de preuve du Coran, t'as pas de preuve de la sunna, donc ça fait pas partie de l'adoration. Et c'est donc une indication des deux conditions nécessaires pour qu'une action soit acceptée par le créateur, par Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition, c'est que tu n'adores que Allah, donc c'est al-ikhlas, la pureté et la sincérité dans l'adoration. Et la deuxième condition, bien entendu, c'est de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré comme légifération dans sa révélation. C'est-à-dire d'adorer Allah selon la charia, selon le Coran et selon la sunna. Et ça, c'est important parce que il y a des musulmans aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, mais même dans le passé, qui ont inventé dans la religion de l'islam des choses qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Et qui pensent que ces choses-là font partie de l'islam. Hein? Comme par exemple, toutes sortes de formes de bid'ah, d'innovation, de zikr, hein, qu'ils font. Ils pensent que ça fait partie du zikr, de rappel d'Allah par exemple, et ça n'a rien à voir avec le zikr. Hein? Des zikrs qu'ils font avec de la musique, avec des tambours, avec de la danse, avec des mouvements, hein, avec des chants, et ils pensent que ça c'est un zikr. Ça c'est pas un zikr. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait ça, ni ses sahaba. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit ensuite, « Amma an la ta'bud illallah, fahada fihi ayatun wa ahadithun kathira. Minha, qawluhu ta'ala, qul amara rabbi bil qist, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, wad'uuhu mukhlisina lahuddin, كما بدأكم تعودون وقوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Donc le cheikh il mentionne des preuves des deux conditions qu'on vient de mentionner. La première condition, c'est-à-dire qu'on adore que Allah, c'est-à-dire al-ikhlas, la pureté et la sincérité dans notre adoration. Et les preuves de ça sont très très nombreuses dans le Coran, comme le verset 29 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, à ses gens, que mon Seigneur a ordonné la justice et de tourner vos visages dans toute mosquée et de l'invoquer en lui vouant un culte pur et en adorant que lui. Hein, et de la façon dont vous avez été créé au début, c'est comme ça que vous allez revenir. Et le verset 65 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui le vivant, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Alors invoquez-le en lui vouant une adoration et un culte pur. Mukhlisin alahuddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Toute la louange, tout entière, appartient que à Allah seul. Hein, et il dit, dans Surat Al-Bayyinah, le verset 5, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur comme étant des hunafa, c'est-à-dire hunafa qui se détournent du shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui se tournent uniquement et qui penchent uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations, et qui établissent la salat et qui donnent la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Et dans les hadiths à ce sujet, au sujet de l'ikhlas, il y a le hadith Qudsi qui est rapporté يعني selon Abi Huraira رضي الله عنه par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le messager d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala dit: je me passe totalement et complètement de tout associé, hein? Je n'ai besoin d'aucun associé et d'aucun partenaire, et si quelqu'un fait une action dans laquelle il associe quelque chose dans cette action avec moi, alors je l'abandonne avec la chose avec laquelle il m'a associé. J'abandonne cette personne et ce qu'il a fait avec ce avec quoi il m'a associé. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si un acte, une parole ou une adoration, elle n'est pas uniquement et purement pour lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en veut pas de cette action-là. Il n'en veut pas de cette adoration-là. Il veut uniquement ton adoration si cette adoration-là est uniquement pour lui. Et donc ça, c'est une incitation à faire preuve de sincérité et d'ikhlas dans notre adoration, et de s'écarter de qu'est-ce qu'on appelle ar-riya. Ar-riya qui est une forme de shirk, qu'on appelle shirk al-khafi, hein? C'est-à-dire yani le shirk caché. Donc le fait de faire des actes par ostentation pour être glorifié, pour être yani pour recevoir les éloges des gens, pour recevoir les que les gens nous fassent des éloges par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans la religion. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle riya. Et bien entendu, celui qui dans ses actions a du riya, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter, et cette action-là sera rejetée. Wa minhu ma ja'a an Ayyad ibn Himar al-Mujashi'i أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث. Donc le cheikh il mentionne également un autre hadith à ce sujet. C'est un hadith rapporté selon Iyad ibn Himar al-Mushaji'i. Hein? Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour dans sa khutbah que mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez parmi ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui. Tout bien que vous avez gagné de votre travail, c'est halal pour vous. Et il dit: j'ai créé mes serviteurs hunafa. J'ai créé tous mes serviteurs hunafa. Hunafa, ça veut dire quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, hunafa, ça veut dire qu'ils s'écartent du shirk et qu'ils se tournent vers Allah seul. Donc, à la base, dans la fitra de l'homme, les serviteurs sont tous hunafa. Ils sont tous des hunafa dans le sens qu'ils se tournent vers Allah. Ils sont enclins vers Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'écartent de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les shayatines, les diables, les ont fait dévier de leur religion, et les diables leur ont interdit ce que je leur ai rendu halal, et leur ont ordonné d'associer avec moi ce au sujet de quoi il n'y a aucune preuve. Hein? Donc ça, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, hein, à ce sujet-là, qui prouve que à la base, l'être humain, donc, il est ordonné d'établir le tawhid et de s'écarter de ce qui est adoré en dehors d'Allah, et que les shayatines parmi les hommes et parmi les djinns, eux, ils essaient de les faire dévier de cette fitra et de cette religion que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de suivre. فالأصل هو التوحيد والكفر والانحراف عن التوحيد أمر طارئ على الخلق بسبب الشياطين وبسبب النفس الأمارة بالسوء. الشيخ il dit que le shirk et le kufr, c'est pas l'origine de l'homme, c'est pas la base de l'homme. À l'origine, l'être humain, il est muwahhid, il est sur le tawhid à la base. Qu'est-ce qui le fait dévier du tawhid? C'est les shayatins, comme on a dit, parmi les djinns et parmi les hommes, ou bien c'est l'âme qui appelle au mal et qui commande le mal, qui commande les passions, ainsi de suite, qui fait dévier l'homme de sa nature, de sa fitra et de ce tawhid. Ensuite, le shaykh il dit, « Wa amma an ta'bud Allah bima shara' فإن هذا هو العلم فإن هذا هو العلم ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني متابعا فيه للشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشتملت الآية على الأصلين اللذين يقوم عليهما الدين. الأصل الأول أن تعبد الله أن لا تعبد إلا الله, والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع, وهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la deuxième condition, la deuxième condition pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on adore Allah selon ce qu'il a révélé et selon l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la science. Et ça c'est al-ilm, c'est la science. Et la preuve, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée selon Aisha radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Cette action ou cette parole sera rejetée. Celui qui fait quelque chose dans l'islam, qui ne fait pas partie de l'islam, qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans la sunna, et il prétend que c'est une adoration, ou il prétend que Allah aime cette chose-là, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, le fait de célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune preuve de ça, ni dans le Coran, ni dans la sunna, ni dans la pratique et dans l'exemple des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans l'exemple des tabi'in, ni dans l'exemple des tabi'in tabi'in, ni l'imam, aucun des imams de l'islam n'a jamais pratiqué ça, parmi les premiers imams de l'islam, que ce soit l'imam Abu Hanifa, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i, que ce soit les imams qui ont rapporté les hadiths parmi les grands rapporteurs de hadiths, comme l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud, l'imam Al-Nasa'i, l'imam Al-Tirmidhi, tous les imams qui ont rapporté les hadiths, jamais, aucun d'entre eux n'a jamais célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des choses qui ont été inventées très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça fait partie des bid'ahs, ça fait partie des innovations. Hein? Et ça c'est sans compter toutes les autres choses qui sont rajoutées à cette célébration parmi les différentes pratiques et croyances déviées qui sont mélangées avec cette pratique, soi-disant, que ces gens-là font au nom de l'islam. Donc, ça c'est un exemple de bid'ah, mais c'est pas la seule. Hein? Mais quand on dit bid'ah, c'est quoi? C'est tout ce qui est pratiqué au nom de l'islam, mais qui n'est pas prouvé par le Coran ni par la sunna. C'est ça une bid'ah. D'accord? Donc, le cheikh il dit que, donc, ça c'est le hadith qui est mentionné selon Aisha, radiallahu anha, qui prouve cela. Le frère il va faire la adhan, tayyib, inshallah. Donc comme on disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon le hadith qui est rapporté selon Aisha radiallahu anha, Celui qui fait quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, cette action-là ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça ne sert à rien de se fatiguer à faire des efforts, à faire toutes sortes de choses au nom de l'islam, alors qu'on n'a pas de preuves pour supporter ces pratiques. Puisque au jour de la résurrection, on n'a aucune récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces pratiques-là. D'accord? Et donc ça c'est, comme on a dit, c'est une innovation. Et il n'y a pas, en passant, il n'y a pas de bonne innovation, comme certains le prétendent parfois. Ils disent qu'il y a des bonnes innovations. Non, il n'y a pas de bonnes innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, « Kullu bid'atin dalala ». Toutes les innovations sont des égarements. Toute innovation est un égarement. Donc il n'y a pas des innovations qui sont autre chose que des égarements dans les questions de religion et dans l'adoration, hein, et dans la croyance religieuse, dans les pratiques reliées à la charia. Toute innovation dans ça, c'est des égarements. Et il y en a qui mentionnent le tarawih parfois comme exemple. Et bien entendu, le tarawih, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant sa vie. Alors ça ne fait pas partie des innovations, et donc ils ne peuvent pas se baser sur cet exemple-là pour justifier ou faire des innovations aujourd'hui, puisque ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les innovations, ça peut être dans les croyances, les innovations, ça peut être dans les pratiques, et les innovations, ça peut être dans les paroles aussi. Donc il faut s'écarter de toutes les formes d'innovation. Et parmi les plus graves formes d'innovation, il y a les innovations dans l'aqida, dans la croyance, et dans les pratiques qui sont reliées à l'islam. Donc ça, c'est des innovations très dangereuses et très graves. Et même si on regarde ça de cette façon-là, même le shirk, c'est une innovation dans l'humanité, comme on l'a vu tout à l'heure dans le hadith qu'on a mentionné. Puisque à la base, les hommes sont créés sur le tawhid et sur la fitra. Et le shirk, c'est quelque chose qui est apparu par la suite, en opposition avec les enseignements des prophètes. Donc le shirk, ça fait aussi partie des innovations. Hein? Donc ça, c'est les exemples à ce sujet-là. Et le shirk, il mentionne même un verset dans le Coran dans lequel il y a ces deux conditions-là, ces deux conditions qui sont réunies ensemble dans le même verset. C'est le verset 110 dans Surat Al-Kahf. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Dis, ô Muhammad, je ne suis qu'un homme comme vous, auquel on a révélé que rien ne mérite d'être adoré, excepté une seule divinité, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Alors, celui qui espère en ma rencontre, ou en la rencontre de son Seigneur, c'est celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une action qui est bonne, qui est salih, et le cheikh explique que, une action qui est salih, c'est-à-dire une action qui est en accord avec la charia, c'est-à-dire une action qui est en accord avec l'exemple de ce qui est rapporté dans la charia, dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, c'est-à-dire qu'il ne commette pas de shirk, hein, et qu'il n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et donc, on voit que ce verset comprend les deux conditions et les deux fondements qu'on a mentionnés. Premièrement, que rien ne soit adoré excepté Allah. Et deuxièmement, que lorsqu'on adore Allah, on l'adore uniquement selon ce qu'il a légiféré. Et ces deux fondements-là, ces deux conditions-là sont la réalité de la signification du témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadun abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec ça, on a complété donc l'explication de la première phrase dans cette risale, hein, et yani, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.